Exercice 5. 1. Tu te plains beaucoup. Tu as vraiment très mal? Oui, je ne peux presque plus plier ma jambe. Mais tu es trop lourd, je ne peux pas te porter. 2. Vous êtes prêts? Avancez un peu, mais pas trop. Comme ça. Non, c'est un peu trop. Reculez maintenant. Stop. Parfait. Ça fait une photo vraiment très originale. 3. Tu es tout rouge. Fais attention, tu restes beaucoup trop au soleil.